Mon père s'appelle David TMX et c'est déjà pas mal, ok? La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone. Le chat comprend comme un ami quand il ne reste plus personne. Les temps grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec des vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour à pistolet, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt. Le jardinier de la fleur de l'âge. Le va-t-en-guerre, il faut y aller, qui bouffe la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Démocratie du sentiment à la pochette, le complexe de panoplie que l'on guérit à la buvette. L'inconnu qui salue bien mal et lent et d'où le reportage et qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu mort des glaces qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche de bouffer les pissenlits mis par la racine. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone. Le chat comprend comme un ami quand il ne reste plus personne. Le chien comprend comme un ami quand il ne reste plus personne.